Leçon du cœur. Poème écrit et présenté par le docteur en médecine Jacques Hippolyte Guiteau, lu par Madame Marie-Michel Jean-Louis, femme de théâtre. En cette fin du XXe siècle, remplie de misère et de tourments, il y a toujours de l'amour, ce grand sentiment de tous les jours. Je vous présente ces quelques poèmes pour vous faire penser aux beaux moments d'hier et à venir. Avant d'entamer le premier poème dédié à la Saint-Valentin, parce que chacun de nous représente un Valentin, je vais essayer d'esquisser l'origine de cette fête des amoureux. Il y a des idées différentes à propos de l'origine de la Saint-Valentin. Certains le font remonter jusqu'au IIIe siècle. À cette époque, en dehors de Rome, il y avait une multitude de carnivores affamés. Leur dieu, Lupercus, donna l'ordre de les protéger. C'est pourquoi, en février, les Romains célébraient un grand festin dénommé Lupercalia, en honneur du dieu Lupercus. Plus tard, quand la christianité a pris place sous l'époque païenne, on a changé la fête de Lupercalia en Saint-Valentin. Une autre version en accord avec l'Acta Sanctorum, il y avait 8 hommes avec le même nom, Valentin. Parmi eux, 7 fêtaient leur anniversaire le 14 février. Ils vivaient dans différentes parties du monde, telles que l'Espagne, l'Afrique, la Belgique et la France. Les 3 plus importants étaient un prêtre tué en Rome en l'an 269, un évêque du nom de Valentin tué en Afrique. La tradition les a considérés comme des saints. Une autre source encore disait qu'un prêtre du nom de Valentin, dans un joli temple, durant le règne du cruel empereur Claudius, on l'aimait beaucoup. Jeunes et vieux, riches et pauvres, venaient assister à ses messes. L'empereur essayait de recruter des soldats pour la guerre. Il rencontrait beaucoup d'opposition parce que les hommes refusaient de laisser leurs femmes, familles et amantes. Alors, le monarque furieux déclarait « Plus de mariage sera célébré et tous les engagements devaient être renvoyés. » Ce n'était pas favorable pour les jeunes amants. Alors, Valentin célébrait ses mariages en secret. L'empereur Claudius devient plus furieux et jeta le prêtre Valentin en prison où il a rendu son dernier soupir. Alors, ses amis ont pris son corps et l'enterra dans la cour de l'église à Rome. Une autre version, on a surpris Saint-Valentin et dans quelques chrétiens pendant qu'il était en prison. Il a traité la sœur d'un prisonnier qui était aveugle, ce qui a porté l'empereur Claudius très furieux. Il le fit battre et couper sa tête. Sa mort était le 14 février de l'an 269 avant Jésus-Christ. En l'an 496, le pape Gélasius choisit cette date pour l'honorer. Une autre légende disait que Valentin était tombé amoureux avec les sœurs des prisonniers et les écrivait des lettres signées de votre Valentin. Graduellement, avec le temps, la nouvelle fête chrétienne devient un temps pour échanger des messages d'amour et Saint-Valentin devient patron des amoureux. Saint-Valentin, patron des amoureux, te revoilà encore pour rendre les cœurs heureux. Au petit matin, l'air se remplit de baisers parfumés, traduisant les vœux des aimés. L'ivresse envahit le cœur de tout le monde, c'est la joie la plus profonde. N'est-ce pas le jour consacré à l'amour, bien que nous le vivions chaque jour? Ta présence est mon unique but sur terre, sans toi, je ne saurais que faire. Valentin, c'est le renouvellement des vœux d'amour, parce que notre devise est pour toujours. Amour, tu es gravé indélébilement en moi et mon cœur ne palpite puissamment que pour toi. La vie sans toi ne serait que chimère et par-dessus tout entachée de misère. Étincelante, tu m'apparais aujourd'hui comme les rayons du soleil qui luit. Ne pas clamer mon cœur chargé d'émotions, ce serait manquer à cette sensationnelle tradition. Toi, encore, dans cette grande balade d'amour, avec moi, nous goûtons les fastes de ce grand jour. Idéal d'amour, tu me l'as toujours prouvé, et mon cœur ne cesse de s'exalter. Néanmoins, chaque jour est notre anniversaire. Pour cela, nous continuerons à nous plaire.